fait sans vous alarmer. Et c'est grondé, les flots. Je viens vous offrir dans Argos un peuple armé pour vous défendre. C'est par l'exil que m'impose le roi, qu'on va s'affranchir de Ferrari de la guerre. Pourquoi changer une autre terre? Des mots, je traîne avec moi. Un castevin que je périsse. Pour ma perte, l'homme secourut. Je croirais faire une injustice de l'étendre sur vous. Le fier appareil de ses armes me cause de faibles alarmes. Pour les attirer contre moi, dans la vie pardonne qui me presse, le jason obtient du roi. Que parmi de la princesse, demain, couronne ma foi. Alors, dans mes états, Jason pourra vous suivre, et si vos ennemis veulent vous désunir, ils verront qu'en cessant de vivre, si je sais comme il faut punir. Oh! exil, un triste éloignement, que l'honneur à souffrir mon gage. J'en ressens le coup en amour. J'en gémis, j'en fais un rigoureux tourment, mais je n'ai plus rien davantage. Voulez-vous que je quitte un roi qui pour épargner votre tête a tant sensiblement l'éclat de la tempête qui remplit son peuple d'effroi? Voyons finir la guerre et le coup qui vous blesse pour un temps seulement nous aura séparés. Dans ce temps, je connais ma faiblesse. Quels ennuis, quels ennuis vous me porterez. Tâche à vaincre les alarmes que me cause un soupçon jaloux. Mais enfin, malgré moi, je sens couler. Je ne puis plus. je dois me cacher mon plaire, si je veux en sauver ma gloire. Thank you. commande, il va suivre tellement. Commande, commande, il va suivre tellement.